السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وأن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hier on a pris deux hadiths qui étaient le 77e et 78e hadith. L'un disait ليتمنين أحدكم الموت لضر أصابه, que aucun d'entre vous n'espère ne mourir pour un mal qu'il aurait touché. Et que si jamais cela était inévitable, alors qu'ils disent اللهم أحييني ما كانت الحياة خير لي وتوفني إن كانت الوفاة خير لي. Qui disent oh Allah, fais-moi vivre tant que la vie reste meilleure pour moi et fais-moi mourir si la mort est meilleure pour moi. Et on a dit qu'en réalité, la vie sous l'obéissance d'Allah Azzawajal est ce qu'il y a de meilleur pour le serviteur, comme l'ont prouvé des hadiths. Vivre longtemps dans le bien, cela est meilleur. Et le 78e hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضيرة فإن الله مستخلفكم فيها. Que la dunya, c'est comme une verdure savoureuse sur laquelle Allah va nous donner pouvoir. Et qui va regarder comment on agit. Donc on a dit de craindre la dunya, de craindre les femmes, car la première fitna des Bani Israël était dans les femmes. Al-an akhudh al-hadith at-tasi' wa sab'in, 79e hadith. An Abi Huraira radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-imanu bid'un wa sab'un أو بدع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Selon Abu Huraira رضي الله عنه, le message d'Allah عليه الصلاة والسلام, il a dit que la foi est d'une soixantaine ou soixantaine de branches. Il y a différentes versions dans ce hadith. Que la branche la plus haute, c'est de dire لا إله إلا الله, et la plus basse, c'est d'ôter les obstacles du lieu de passage des gens, des routes. Et que la pudeur est une branche de la foi. Le hadith est le muttafaqun alayhi. يقول هذا الحديث من جملة النصوص الدالة على أن الإيمان اسم يشمل عقائد القلب والأعمال الأعمال وجوارح وأقوال اللسان. Donc ce hadith est parmi les textes qui viennent démontrer que la foi est un mot qui regroupe la croyance du cœur, les actes des membres et ainsi que les paroles. C'est ça la foi. Et elle monte et elle descend avec elle monte avec les obéissances et les actes d'adoration, et elle descend avec les désobéissances, les péchés, transgressions et le manque d'actes d'adoration. C'est ça la foi chez les gens de la sunna. Acte du cœur, des membres et de la langue, et que celle-ci monte et descend. يقول فكل ما يقرب إلى الله وما يحبه يرضى من واجب ومستحب فإنه داخل في الإيمان. Donc tout ce qui rapproche d'Allah Azzawajal, parmi les choses qu'il aime et qu'il agrée, comme chose obligatoire ou même surrogatoire, rentre dans la foi. فَذَكَرَ هُنَا أَعْلَاهُ وَأَدْنَاهُ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَوَ الْحَيَاءُ وَلَعَلَّ ذِكْرَ الْحَيَاءُ لِيَنَّهُ سَبَبَ الْأَقْوَالِ الْقِيَامِ بِجَمِيعَ شُعَبَ الْإِيمَانِ. Donc dans ce hadith, il a nommé ce qu'il y avait le plus haut dans la foi, qui est le tawhid. La ilaha illallah. Ce n'est pas le simple fait de le prononcer par la langue, mais c'est tout ce que cela implique. C'est le niveau le plus haut de la foi. Et d'ailleurs, sans le tawhid, on ne rentre pas au Jannah, comme vous le savez. Et le niveau le plus bas de la foi, c'est justement faire cet acte qui peut paraître comme étant anodin et qui en réalité peut être une cause de grand khayr, comme cela fut cité dans un hadith d'un homme qui rentre au Jannah pour avoir retiré un arbre qui gênait le passage aux muslimines. Il est rentré au Jannah pour cela. C'était une cause. Bien sûr, cet homme-là était quelqu'un qui avait le tawhid, bien évidemment. Et ensuite, il a dit que cette haya, la pudeur, elle a été citée comme étant entre les deux, car elle dit que la haya, justement, c'est une cause qui permet d'accomplir le reste des actes de la foi. Ou le reste des branches de la foi, plutôt, on va dire. Al-haya. Et ce hadith, comme l'ont stipulé les ulama, justement, il regroupe ces trois catégories de la foi qui sont les actes des membres, ou plutôt les actes du cœur, les actes de la langue, les actes des membres. Il a dit le niveau le plus haut, c'est de dire la ilaha illallah. Donc ça, c'est les actes de la langue. Que le plus bas, c'est d'ôter les choses du chemin. Ça, ce sont les actes des membres. Et que la haya est entre les deux, ça c'est les actes du cœur. Donc ce hadith c'est une preuve de la définition justement de l'iman. Et donc cette pudeur, c'est un sentiment que l'être humain ressent en lui qui l'empêche justement de dépasser les limites et qui également le remet sur les rails comme on dirait. En se rappelant de tout ce que Allah Azza wa Jalla lui a accordé comme bienfait et comme ni'am. On ne peut être que gêné. C'est comme une personne, par exemple, demain qui te fait du bien, qui t'aide, qui te soutient, et toi, tu ne la remercies pas. Ça, c'est le comportement des gens qui n'ont pas de pudeur. Car en réalité, tu serais gêné. Tu serais gêné de ne pas pouvoir lui rendre le bien qu'il t'a fait. Tu te sens mal. Mais ça, un frère, un jour, t'a aidé, et un jour, c'est lui qui est dans le besoin, tu ne peux pas l'aider. Voilà, tu seras gêné. Grave. Tu seras gêné. Donc ça, c'est à l'échelle humaine. Et dans ce qui est plus large, quand on se rappelle de tout ce que Allah nous a accordé en ce bas monde, comment ne pas être gêné, ne pas lui obéir et de ne pas accomplir ce qu'il attend de nous, autant que possible? Comment ne pas être gêné lorsqu'on a commis un péché et de ne pas s'en repentir? Comment ne pas être gêné lorsque la vérité nous vient de la rejeter? Et ça va venir dans ce kitab-là par la suite, et même dans Arba'in Nawawiyyah, dans les hadiths sûrement qui auront lieu... demain, fais-le même t'astarif, fais-le en ma'achit. Si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. Le hadith, il va venir, Inch'Allah, on en reparlera. Les gens qui n'ont pas de pudeur, ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont aucune gêne. Fayaqul, fa'a'la hadi shu'ab, wa asluha, wa asasuha, qu'ul la ilaha illallah, sadiqan min kalbihi, bihaythu ya'lam, wa ya'arifu annahu la yastahiku hadha al-wasf al-azim. Donc, le niveau le plus haut de cet iman, c'est l'attestation. La ilaha illallah, comme vous savez, qui veut dire qu'il n'y a nulle divinité en droit, ou digne, ou méritant, plein de synonymes, l'adoration, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire que la ilaha illallah ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres divinités, il y en a d'autres, comme vous le savez, mais elles ne méritent pas l'adoration. Elle ne mérite pas l'adoration. Et la seule divinité qui la mérite, le seul Dieu qui la mérite, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand je dis le terme Dieu, là, c'est dans le terme de statut, en fait. Et non pas de nom propre. D'accord ? Car Allah Azawajel, c'est le Dieu. C'est la divinité. C'est l'adoré. C'est le Seigneur. D'accord ? Dans ce sens-là. Là, on peut le dire à ce moment-là. Là où il y a problème, c'est lorsqu'on le nomme comme étant son nom, en disant, c'est Dieu. C'est là qu'on a déjà fait différents audios, comme vous le savez, on a expliqué que ça ne se dit pas. Du moins, en continu, on peut le dire pour clarifier pour quelqu'un qui ne connaît pas. Mais sinon, nous, quand on parle, on dit Allah. Et le nom Allah, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît, bifadli. Tayyib. Donc, il dit également qu'à la base, quels que soient les actes que tu verras par la suite, que soit la haya, que soit imatat al-azan al-tariq, que soit le fait d'avoir de la pudeur ou d'ôter les obstacles, tout autre acte n'est basé que sur l'accomplissement de celui-ci, sur le tawhid, c'est-à-dire pour qu'il soit accepté auprès d'Allah Azza wa Jalla. S'il n'y a pas de la ilaha illallah, tout le reste, ça s'effondre. Tout le reste ne sert à rien, quoi que tu fasses. Si tu n'es pas basé sur le tawhid, tu n'as pas le tawhid en toi, tu n'es pas mukhlis avec Allah Azza wa Jalla, tu n'es pas sincère, quoi que tu fasses par la suite, ce sera que de la fatigue. Comme l'a dit Ibn Qayyim, l'exemple de celui qui fait plein d'œuvres sans être sincère, C'est comme quelqu'un qui part en voyage avec un sac de sable sur le dos. Il ne fait que se fatiguer. Ce sac ne sert à rien du tout. Il fait un long parcours, il se fatigue, peut-être même qu'il se blesse, ainsi de suite. Et au final, ce sac de sable ne lui a servi à rien. C'est surchargé pour rien. Et ben, ceux qui font des actes, quelle que soit leur beauté, quelle que soit leur perfection, quelle que soit leur quantité ou autre, et qui ne sont pas sur le tawhid, tout cela est vain et perte de temps. ويقول ودل على أن شعب الإيمان بعضها يرجع إلى الإخلاص للمعبود وبعضها يرجع إلى الإحسان إلى الخلق. Et ces branches de la foi, certaines reviennent justement à la sincérité envers l'adoré, et d'autres qui reviennent vers la bienfaisance envers la créature. Par exemple, ce qu'on vient de dire là, de dire « La ilaha illallah », cela amène à la sincérité. Et le fait d'ôter les obstacles du chemin, cela revient à la bienfaisance envers les créatures. Et pareil, on l'avait pris ça dans le hadith, pour ceux qui suivent Arba'in Nawawiyah, le dernier hadith, dernier ders, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, plutôt l'avant-dernier, il a dit à Mu'az ibn Jabal ou à Abi Dhar, « Ittaqillah haythu ma kunt wa adbi' asiyat al-hasanat amhuha wa khaliq al-nas bi khuluqin hasan. » Il a dit, crains Allah, c'est-à-dire protège-toi d'Allah où que tu sois, en toutes circonstances. Donc ça, c'est le droit d'Allah. Le droit d'Allah. Ensuite, il a dit, fais suivre les bonnes actions, les mauvaises actions d'une bonne, afin qu'elle les fasse. Ça, c'est ton droit à toi, entre toi et ton Seigneur. Et comporte-toi bien avec les gens, ça, c'est le droit de la créature. Le comportement à avoir avec la créature. Donc ça leur revient à ça. Donc ce hadith, comme d'habitude, on ne l'a cité que de façon résumée, l'auteur lui-même, et c'est un hadith qui renferme beaucoup de sens et beaucoup d'enseignements. Et Allah Azzawajal a comparé la foi à un arbre. Un bon arbre. Comme un corallet. Masalu kalimatin tayyibatin kamasalatin shajaratin khabisa. Là, le verset c'est. Daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluha sabit wa faru'a fis sama'. Tu'ti ukulaha kulla hin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Que Allah a donné l'exemple d'une bonne parole à l'exemple d'un bon arbre dont les racines sont bien ancrées. Et dont le tronc monte aux cieux. Et qu'elle donne de la nourriture par la permission de son Seigneur. Et que Allah donne en parabole pour les gens afin qu'ils se rappellent. Sourate Ibrahim. Donc la foi, c'est comme un arbre qui ne donne que des bons fruits. Celui qui a la foi, ce qu'il fera, n'amènera qu'à du bien bizina ta'ala de façon générale. Il commettra des choses mauvaises également. Mais son bien sera prédominant sur son mal. Et c'est pour cela que Allah Azzawajal fera rentrer au Jannah quelqu'un qui aura le poids d'un atome d'imène dans son cœur rentrera au Jannah. Mais cette foi, c'est comme une graine qui amène à des fruits, et ces fruits sont des actes. Comme l'exemple de l'arbre. C'est obligé. S'il n'y a pas d'acte, s'il n'y a pas de foi. Quelles que soient les prétentions des gens, s'il n'y a pas d'acte, c'est qu'il n'y a pas de foi. S'il y a une foi, il y aura des actes et des paroles. Aussi peu soit-il, il y en aura. Non. ثم نأخذ الحديث 80. 80e hadith. Après cela, normalement, il restera 19 hadiths. Pour finir le livre, Biznillah Ta'ala. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun d'entre vous sans que son Seigneur ne lui parle, et qu'il n'y aura entre eux deux aucun intermédiaire et aucun traducteur. Donc, le serviteur regardera à sa droite, il ne verra que ce qu'il aura accompli comme acte. Il regardera à sa gauche, il ne verra que ce qu'il a accompli comme acte. Il regardera devant lui, il ne verra que le feu devant lui. Alors, craignez et protégez-vous du feu, si ce n'est par un bout de date, c'est-à-dire en donnant sadaqa. Et celui qui ne trouve pas ce bout de date, alors par une bonne parole. Par une simple bonne parole. Ce hadith nous prouve qu'il n'y a aucun bien à négliger. Quel que soit le bien que tu puisses faire, alors fais-le. Aussi minime te paraît-il, ne serait-ce qu'une bonne parole. Ne serait-ce que passer salam à quelqu'un, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà cité que le salam tout seul apporte 10 hasanat, avec un ajout 20, avec un autre ajout 30. Et ce n'est que léger. C'est une chose très facile à faire. Très facile à faire. Vous voyez ? Ou également rencontrer son frère avec un visage épanoui, mais pas rencontrer avec un visage renfornié. Également, ce sont des actes qui sont faciles à faire. Même si les gens ne sont pas en mesure de faire des sadaqas avec leur argent ou autre, il y a des choses simples qui sont à portée de tous. Et ce hadith vient nous inciter à ne négliger aucun acte de bien. Et plus tu as du bien à donner, plus tu en donnes. Celui qui a du ilm, il en donne. Celui qui a de l'argent, il en donne. Celui qui a une condition physique permettant de pouvoir aider ses frères et ses sœurs dans les tâches ou quoi, qu'il le fasse. Celui qui a du temps libre, qui peut donner aux autres, qu'il le fasse. Ainsi de suite. Tout ce que tu as à ta portée, tu peux le faire. Sans que cela, bien sûr, empiète sur tes droits à toi, les droits de tes proches. Mais dès que tu as un peu de temps, c'est pour ça que la sadaqa, ça rentre pas que dans l'argent. Ça rentre dans plein de choses que l'on puisse faire à autrui. Et comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Inna Allah fi a'un al-abd ma kana al-abd fi a'un akhi. » On le répète souvent. Que Allah est dans le soutien à son serviteur, tant que le serviteur est dans le soutien de son frère. Comme a dit le Ta'ala, « Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Wa la ta'awanu ala al-ismi wa al-udwan. » Et entraînez-vous dans le bien et l'obéissance, et ne vous entraînez pas dans le mal et le péché. Donc ce genre de hadith viennent pour nous le rappeler. Et tout cela, c'est quoi le but? De nous protéger du feu. Ce genre d'actes, on sera heureux de les trouver, yom al-qiyama. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْسْكَرَ ظَرَةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْسْكَرَ ظَرَةٍ شَرًا يَرَى. Celui qui verra le moindre bien qu'il a fait, il le verra. Et celui qui a fait le moindre des maux, il le verra également. Il le verra. Aujourd'hui, on le néglige, on pense que c'est rien. Alors ça peut être au yom al-qiyama d'un avantage incroyable. Et le contraire également, des actes que l'on fait qui sont mauvais, on les néglige, on pense que c'est rien, alors que ça peut être très très grave pour nous également. Une simple parole peut nous coûter de tomber 70 ans en enfer, comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Que le serviteur des fois parle d'une parole à laquelle il ne porte pas attention, et cette parole-là fait qu'il tombera en enfer. Et le contraire, il se peut qu'il dise une parole à laquelle il ne prenne pas attention, tellement elle est profitable, et qu'elle lui, justement, lui sera une cause pour qu'il rentre au Jannah. Et les meilleures paroles que l'on puisse proférer, c'est le rappel d'Allah Azzawajal. J'avais déjà évoqué Allah Azzawajal, le askar, ce genre de choses. Et la da'wah. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Qui donc est de meilleures paroles que ceux qui appellent Allah Azzawajal et qui œuvrent dans le bien et qui dit je suis un homme des soumis. Ça c'est le maqam al-a'zam, celui de la da'wah. Et tout musulman à la base fait da'wah à son niveau. Tout musulman fait da'wah à son niveau. C'est le masoulia que nous avons tous sur nos épaules. Nous sommes responsables de la religion que nous avons embrassée. Et nous devons la rendre plaisante aux gens qui la veulent. Et ceux qui ne la veulent pas, on n'est pas responsable, tant qu'on aura bien agi. Donc dans ce hadith, il informe le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que tous les hommes auront un échange avec Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il n'ait d'intermédiaire entre les deux. Et qu'ils seront interrogés sur tous les actes qu'ils auront commis. Bon ou mauvais. Petit comme grand. Et ainsi de suite. Et même les actes qu'on aura oubliés. Car la plupart les auront oubliés. Plein de choses qu'on a faites, Même si demain on te demande qu'est-ce que tu as fait hier, t'auras oublié la plupart des choses que tu as faites. Si on te dit refais-moi ta journée de hier, du jour où, du moment où tu as ouvert les yeux jusqu'au moment où tu les as fermés, tu pourras pas tout dire. T'as oublié plein de choses que t'as faites. Alors que dire Yom Kiyama, des actes qu'on a fait durant toute notre vie. On aura oublié plein de choses. Mais Allah Azzawajal va nous le rappeler. Et nos membres, pour certains d'entre nous, vont témoigner. Les mains vont dire qu'est-ce qu'elles ont saisi. Les pieds vont dire vers où ils ont été allés. Les oreilles vont dire qu'est-ce qu'elles ont entendu. Les yeux vont dire qu'est-ce qu'ils ont regardé. Et ainsi de suite. Et à ce moment-là, comme il dit, وَفِي هَذِي الْحَالَ الَّتِي يُحَاسِبُهَا فِيهَا لَيْسَ مَعَ الْعَبْدِ أَنْصَارٌ وَلَا أَعْوَانٌ وَلَا أَوْلَادٌ وَلَا أَمْوَالٌ فَقَدْ جَاءَهُ فَرْدًا كَمَا خَلَقَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Et à ce moment-là, il n'y aura personne pour soutenir le serviteur. Il n'aura aucun renfort, il n'aura aucun ami, il n'aura aucun enfant, il n'aura aucun frère, aucun père, voire même ce sera le contraire, les gens vont fuir. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنُهُ يُغْنِيهِ. Le jour où l'homme fuira de son frère, de son père et de sa mère, et même de sa femme, de son enfant, que chacun sera occupé par son propre sort. Donc ce jour-là, il n'y aura personne, il n'y aura que le serviteur et son seigneur. Et de là, il sera jugé. Et il n'aura devant lui que le feu. C'est quel ce feu ? C'est le feu au-dessus duquel on devra tous passer. En passant sur le pont. Le feu de l'enfer, on va tous passer au-dessus. Et parmi nous, certains y tomberont. Et parmi nous, certains seront égratignés, écorchés par, justement, ces épines de sardane qui seront là pour attraper certains ou égratigner certains, ainsi de suite. Comme vous le savez, certains passeront à la vitesse d'un clin d'œil, d'autres à la vitesse de l'éclair, d'autres à la vitesse du vent, d'autres à la vitesse de la plus rapide des montures, et ainsi de suite. Cela en fonction des œuvres commises, les œuvres qui ont été faites en ce bas monde. Donc il a dit لِهَذَا حَثَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أُمَّتَهُ وَلَا اِتِّقَاءَ النَّارِ وَلَوْ بِشَيْءٍ يَسِيرٍ كَشِقْ تَمْرَهُ فَمَنْ لَمَ جِدْفَ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ. C'est pour cela que le Nabi صلى الله عليه وسلم, à travers ce hadith, a enseigné à sa communauté et l'a encouragé à se protéger du feu autant que possible, ne serait-ce que par un bout de date que l'on donnerait à quelqu'un. Tu manges une date, tu vois quelqu'un qui en a besoin, tu donnes un bout. Même s'il n'en veut pas. إِنَّمَا الْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ. Tu as l'intention de lui faire du bien, de lui donner un bout de date. Ne néglige pas. Et crois-moi bien qu'il y a des situations, des fois, voilà, ce bout de date, on est content de le trouver. Peut-être que peu d'entre vous ont connu ce genre de situation-là, mais je peux vous dire que des fois, même un bout de date, tu es content de le trouver. Subhanallah. Ou alors une bonne parole. Une bonne parole. Des fois, les gens, ils sont en détresse, dans les soucis. Et toi, ils te rencontrent, ils parlent avec toi, et tu le rassures, tu l'apaises. Et il repart en étant heureux. Ou en étant allégé. C'est un grand khayr, ça. C'est un grand khayr. Que d'apporter une consolation aux frères ou aux sœurs, et ainsi de suite. يقول وفي هذا الحديث أن من أعظم المنجيات من النار الإحسان للخلق بالمال والأقوال وأن العبد لا ينبغي له أن يحتقر من المعروف ولو شيئا قليلا والكلمة الطيبة تشمل النصيحة للخلق بتعليمهم ما يجهلون وإرشادهم إلى مصالحهم الدنيا الدينية والدنيوية. Donc ce hadith montre que les plus grandes causes qui permettent de sauver du feu, c'est la bienfaisance envers les créatures, envers les gens, soit par l'argent, soit par les paroles. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il ne convient pas aux serviteurs de mépriser le moindre bien qu'ils puissent faire, ne serait-ce qu'avec par une bonne parole. Cette bonne parole, ça peut être le nasiha, ça peut être l'enseignement, d'accord ? Ça peut être même des fois une plaisanterie qui est halal pour quelqu'un qui est triste, tu lui redonnes le sourire. Petite parole comme ça. Car plaisanter, c'est permis. Faire preuve d'humour, c'est permis. Tant qu'on ne se dépasse pas les limites et que ça n'amène pas à mentir. Et ainsi de suite. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà consolé un enfant qui avait perdu, qui avait un petit oiseau, avec lequel il jouait tous les jours. Et un jour, cet oiseau, il est mort. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé. Et il l'a consolé pour cela. Donc cela, également, c'est les indications qu'on peut faire aux gens dans leur intérêt religieux ou mondain. Dans la dunya, tu les aides dans ce qu'ils ont besoin, et dans leur dîne, tu les aides dans ce qu'ils ont besoin, quand tu en as la possibilité. يقول فكل كلام يقرب إلى الله ويحصل فيه النفع لعباد الله فهو داخل في كلمة طيبة. Donc toute parole qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et par laquelle en résulte, de laquelle résulte un bien pour les serviteurs d'Allah, ça rentre dans la bonne parole. قال تعالى إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Et vers lui remonte la bonne parole et le bon acte également il l'élève. وقال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك وأبقى. Qu'est-ce que les actes que tu auras fait de bien resteront près d'Allah Azza wa Jal, et tu en verras justement les fruits au moment où tu seras le plus en besoin. Ou plutôt le verset nam wal baqiyatu salihat khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala. C'est ça le verset. J'ai confondu. طيب. Donc voilà ce qu'on a pris aujourd'hui comme durus. Et je le rappelle pour ceux qui suivent le durus de Arba'in Nawawiya que à compter de demain le programme changera, ils auront lieu le lundi, le jeudi et le samedi après l'Isha, vu qu'on a reculé d'une heure, c'est-à-dire vers la 19h30. En fait, ça reste la même heure qu'avant, sauf que cette heure-là, ben, on aura déjà fait l'Isha. Voilà. Et les durus de, je le répète encore, ces durus-là, là, ça sera un programme des horaires aléatoires. Car j'ai des occupations qui parfois m'empêchent de pouvoir faire ce ders. Des fois, je suis dans une situation où je ne peux pas faire de ders. Et je ne peux le savoir que le jour même, en fait. Mais quoi qu'il en soit, l'annonce sera faite. Et ceux qui n'ont pas assisté, ils auront toujours l'audio qui sera disponible. Bismillah ta'ala. Tayyib, naktafi bihad al-qadr. Walhamdulillah rabbil alamin.